Que penserais-tu de ce dernier voyage quand tu partirais au-delà des nuages? Croirais-tu enfin que tout est en vain et te sentirais-tu bien dans ce plus rien? Sur ton chemin d'étoiles passent les années, les rayons du soleil sont délestriés. Tout l'univers tient dans une seule main, ni soif, ni faim, ni colère, ni chagrin. Et marche, marche droit devant, marche droit traverse devant. L'espace et le temps, traverse l'espace et qui le temps. Qui sait ce que tu verras là-bas? Savoir t'attend et t'ouvre ses bras, une merveilleuse idée que tu oublies déjà. Tu reviens vers la terre et ses lumières, tu t'y perds, tu espères retrouver tes repères. Mais quelle étrange sensation, un peuple sans aucune ni logique ni raison. Tu as froid, tu es nu dans un monde inconnu, tu te sens perdu et recherches le salut. Mais marche, marche, cours et vole, marche, cours, éloigne-toi de leurs idoles, éloigne-toi de leurs idoles, soustrais-toi à leurs regards et pars. Que penserais-tu de ton premier voyage, partir dans la rue ou sur un rivage? Te croyais-tu déjà si loin que ça? Te fallait-il une pause dans ce quelque chose? Mais marche, marche doucement, marche doucement. Regarde et prends ton temps, regarde et prends ton accorde-toi temps. Une trêve, un rêve.